C'est la bataille du haut du lac, c'est comme ça que je l'ai appelé, qui commence demain à l'aréna du secteur de Mississauga. Les Hurricanes de Mastouillage contre les Rapides, et on va parler demain à Pascal Cloutier. Mais là, on va parler avec l'instructeur-chef Luc Fortin. Salut Luc. Salut, Danny. Luc, comment tu vois cette série-là? Écoute, tu l'as appelé la bataille du haut du lac. Écoute, avec les années, les Hurricanes, les Rapides, il y a tout un eu une bonne rivalité. Je pense que ça existe encore avec les rencontres qu'on a eues cette année, là. On l'a quand même senti. Moi, Pascal, c'est quand même un coach que je côtoie depuis plusieurs années aussi. Non, on a bien hâte, on est bien fébrile au début de cette série-là. OK. Parce que la semaine passée, j'ai fait une entrevue avec Hugo Maltais, qui est président du hockey mineur, puis lui, il est impliqué dans le hockey. Il est impliqué également auprès des Hurricanes. Je pense que c'est l'entraîneur adjoint. Il me disait, il faut être discipliné contre les Rapides. Il va falloir jouer défensif. Si on sort de notre plan de match, on est fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que du côté des Hurricanes, quel genre d'équipe d'abord que c'est, les Hurricanes? C'est une équipe qui est bonne défensivement? C'est quoi en fait? Ben, je te dirais que c'est une équipe rapide avec des joueurs assez dominants, là. Ils ont des joueurs dans leurs équipes assez dominants qui sont bons avec la rondelle. Défensivement, ils ont une couple de gros bonhommes aussi. Excellent gardien de but aussi. Écoute, non, on prend cette équipe-là très au sérieux, là. Je te dirais que ça va être une bonne série. OK. Le plan de match du côté des Rapides, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment d'être discipliné, d'éviter les bancs de pénalité? Oui, ça, c'est le mot d'ordre qu'on a eu toute la saison. On a essayé d'être extrêmement discipliné, pas répliquer, sortir des endroits où ce que ça brosse un peu quand le but est terminé. Puis oui, c'est vrai que c'est probablement qu'on a sensiblement le même plan de match qu'eux, là. On veut jouer discipliné, on veut pas donner l'avantage à l'adversaire au niveau des pénalités. Mais moi, Danny, tu me commences à me connaître, mon plan de match, du coup, on va focusser beaucoup plus sur notre façon de jouer. On veut arriver confiant. La première série, c'est quand même une série qui est assez rapide. On n'a pas eu beaucoup d'opposition, donc maintenant on sait qu'on a affaire à une équipe assez sérieuse. Donc, on focus sur notre façon, notre plan de match qui est établi. On a une façon de jouer qui est bien établie avec les zones. On a eu le temps de peaufiner. L'exécution, rapidité, changement rapide, je te dirais, là, c'est vraiment là-dessus là, qu'on focus depuis un certain temps. OK. Est-ce que ça peut être un piège, ça, le fait que vous avez joué contre Chipougamau, puis on a arrêté la série en passant, là. Ça peut-tu être considéré comme un piège? Écoute, je te dirais qu'on s'est préparé à ça, mais écoute, c'est sûr que le premier match va être quand même un bon gauge, là, si tu m'excuses l'expression. Ça va être un bon gauge, là, comment est-ce que nos gars vont se comporter. Mais tu sais, on le voit dans les entraînements. Ça, là, c'est un bon barème quand même, les entraînements. Les jeunes arrivent dans les entraînements. Exemple, on a fait un entraînement matinal samedi matin qui était extrêmement tôt. Fait que t'as vu que les jeunes ont fait le sacrifice le soir. Les gars sont arrivés prêts. On n'avait pas, là, tu voyais qu'ils étaient en difficulté. Non, ça a été un entraînement intense, 1 heure et demie de temps. Les jeunes ont hâte. Les jeunes sont fébriles. Les jeunes ont hâte de rentrer vraiment en série. On a comme l'impression qu'on va rentrer en série demain. OK. Donc, ça veut dire que quand tu as dit événement matinal, ça veut dire quoi, 8 heures? Oui, à 8 h, les jeunes étaient sur la glace. Hé, tabarouette, ça veut dire qu'il faut que tu sois à l'aréna vers 7 h 30, à peu près? Exactement. Les portes de l'aréna ont ouvert à 7 h 30, quasiment exceptionnellement pour nous autres, justement. On Oui. voulait garder le beat. T'sais, vu qu'on n'avait pas de match ce week-end-là, fait qu'on voulait avoir un beat, on voulait avoir un entraînement qui était un peu comme un match, là, avec un entraînement bien préparé, là, avec tout le temps mort, puis que ça roule. OK. Hey, dis-moi, comment ça va fonctionner, là? Je veux dire, parce que là, on est en fin d'année, ça a déjà arrivé les autres années que les glaces ferment bientôt. Est-ce qu'on a déjà prévu le coup? Mettons que c'est une série qui va être longue, puis vous passez à l'autre finale. Écoute, Danny, j'ai entendu des choses hier à la pratique, à la fin de la pratique, au niveau de la fermeture des dates, des glaces, ainsi de suite. J'ai pas vraiment là OK. investigué là-dedans, donc je pourrais pas te répondre précisément comment ça va fonctionner, là. Mais oui, garde, au niveau de la gérance, là, j'imagine là, qu'on va se tenir au courant de ça. OK. Du côté des blessures, est-ce que l'équipe est fin prêt? Du coup, est-ce que l'équipe est en top shape, comme qu'on pourrait dire? Top shape, on est vraiment aucune blessure, on traîne à rien. Les gars sont top shape, en pleine forme. Je pense qu'on est au pic de la saison. Tu sais, Danny, là, c'est Ouais. la vraie saison qui Ouais. commence, là. On a tout hâte, même du côté des entraîneurs, là. On a vraiment mis là, les derniers petits préparatifs sur des petites situations au point de vue de la technique. Au niveau, exemple, du power play, tu sais, il parlait des pénalités de l'autre côté, de faire attention. C'est sûr qu'on a peaufiné notre power play, on a peaufiné notre désavantage numérique aussi. Donc, écoute, on a hâte. OK. Ça doit être le fun, pareil, d'aller quand on est dans un environnement d'équipe gagnante. Tu sais, je l'ai connu, là. Je voyais ce qui se passait à Chipougamau cette année, puis je trouvais que c'est pauvre. Je dis pauvre, eux autres. Mais là, vous autres, de voir que l'ambiance est bonne, vous avez eu une des meilleures années depuis au moins 20 ans, ça doit être le fun pour tout le monde. Tu sais, Danny, c'est. Tu sais, on va rendre crédit aux jeunes. Ouais. Les jeunes ont embarqué avec nous autres. Au niveau du staff d'entraîneurs aussi, je te l'ai expliqué, on est tous d'accord sur la façon qu'on voulait faire développer ces jeunes-là. On a été patients en début de saison. On a pris le temps d'installer nos choses, connaître les forces, les faiblesses de chaque joueur. Puis à partir de ce moment-là, on a voulu donner confiance à tout le monde. Fait que tout le monde a eu son temps de glace. Tout le monde a joué. Tout le monde s'est développé à son rythme. Puis tout le monde ensuite. On va terminer là-dessus. Tout le monde a embarqué vraiment avec nous autres. Puis garde, on a eu du bon résultat. Ben merci beaucoup, puis on se parle. Demain, c'est Pascal Cloutier. Ben, écoute, Danny, je te remercie beaucoup. Puis tu salueras Pascal de ma part. Ouais, l'instructeur-chef des Rapides, Luc Fortin.